Non, on dit pas ça. Moi, je dis pas ça. On vous dirait nécro pour votre, voilà. Votre buzzer et vous direz vous dragon. Vous direz nécro. Dragon, mais arrête. Allez. Tu sais que c'est alors... diffusé sur internet, tu le rappelles régulièrement, mais. Si nous moulons, je nous les susciterai. Arrête. Avec ma néglomancie. Arrête. Alors. Arrête. Lançons-nous. Zaza n'est pas là, mais on pense toujours à lui, hein, bien sûr. Ah oh, putain. La première épreuve du quiz, un spécial fantasy. C'est la réponse que t'as forcément épée ou anneau. La réponse que t'as forcément épée ou anneau parce que ça sent les bonnes blagues de cul. Il va y avoir Cockring dedans. Et des artefacts magiques, hein, des anneaux, des cailloux, des bâtons. Cailloux. Enfin attends, voilà, j'ai, quoi, pas compris, ouais, j'ai pas compris. Donc tu mettras épée ou anneau dans la réponse. Et c'est quoi les cailloux? Bah, c'est pour dire l'anneau, c'est un peu les artefacts magiques qu'il y a dans la fantasy, quoi. Va chercher un anneau. D'accord. C'est quoi le caillou artefact magique? Je connais. Bon, tant pis. Vous m'avez saoulé. Tu écouteras la fucking kermesse numéro 9. Épée ou anneau. Le théorème du caillou. Et là. Quand il pleut, il est important de mettre son Kéway. Attends, non. Claire, Anorak. Anorak. Anorak. Oh. Ah. Il a pas dit négro. Ouais. Ah oui. Mais bon. Je ne dirais pas ça. Bon, tant pis pour les buzzers. Donc, un point pour les nécromanciens. J'ai pas écouté, c'était quoi la question? Quand il pleut, il faut mettre son Anorak, bien sûr. J'étais complètement à côté. On continue. C'est moins swag que le RPR, mais plus marrant que les Républicains. Je sais ce que c'est, mais je sais pas la blague. C'est un parti politique. L'UMP. Oui, ah, l'UMP. Ouais, l'UMP. Comme on dit dans le sud. Moi, moi. Ah, bien joué. L'UMP, hein. L'UMP. Voilà, donc ça fait. L'UM... Oh putain. 2-0. 2-0. Oui, c'est épée ou anneau. Voilà. C'est recherché. Ok, chrome question. Yes, bonjour everyone. I am Nelson Montfort. Live for the Jeux Olympiques of Winter from. Là, il fallait être né il y a longtemps. Gradon. Oui. Anano, Nagano, oui Nagano. Il l'a dit. Nagano. Oh merde. Nagano. Les Jeux Olympiques d'hiver de Nagano. Alors, okay, attendez, parce que j'ai répondu à une question de ce quiz, ça y est, je me respecte. J'ai plus, rien quoi. Pour noter. Ça fait 2-1. 2-1. 2-1 pour nous. Nagano, hein. En 90, il y avait Nagano, il y avait aussi là. Là. Voilà. Là. J'ai pas compris cette blague. Oui, j'ai pas compris la Nagano. Oui, mais c'est quoi le rapport avec là c'est passé en 98. Ah, d'accord. Allez, on continue. Il a sauvé la France en 1940. Épée ou anneau. Le... Oui, Steven. Maréchal des Pétains. Oui, oh, Steven. Ah ouais. Le maréchal des Pétains. C'était pas lui. Sauvé, hein. Bah, il a sauvé la France. Non, c'est on pas vrai. On l'appelait le bouclier quand même. Hein, mais non. Souvenez-vous, l'élite histoire de 55, la question, le bouclier. C'est pourquoi j'ai répondu à ça. Donc ça fait 3-1, le maréchal. C'est quoi votre équipe, c'est Dragon? Oui. Pourquoi tu réponds pas à celle-là, toi? Ouais, mais c'est non, vrai. Parce que lui, il cherchait une blague avec Hitler. C'est ça faux. Marchait pas. On passe ensuite à une autre partie du quiz. La réponse que t'as forcément Hobbit ou mage. Hobbit ou mage. Ça sent les bonnes blagues. Ouais, Hobbit, je sens bien. Déjà avec un nom, on les a esquivés. Hein. Ouais. Il y a eu Anorak et Nagano. Non, ouais. Mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas eu anal. On a eu esquivé. Ouais, on s'attendait à des blagues anal, quoi. Ah non, mais je suis pas comme ça, moi. Comment Comment appelle-t-on les marins Hobbit? Attends, c'est. Hobbit ou mage? Hobbit ou mage. Les hobbits. Marins hobbits. Et ils sont sur la mer, ils ont des bateaux, mais c'est des hobbits. Comment on les appelle? Vous ne savez pas? Pensez port. Je l'ai pas du tout. Vous n'avez pas. Des hobbits d'amarrage? Oui! Oh putain! Oh, les hobbits d'amarrage! Mais ça a doublé, Steven, là. Steven! Bravo! Steven me connaît trop bien. Ouais, c'est vrai, c'est ça. 4-1, et c'est la piquette. Hein. Ah ouais, j'ai pas hobbits d'amarrage, putain. Un duo de variété française des années 80. Facile. Ah, Hobbit et Image. Ouais. Émile et Image. Émile et Image. Émile et Image. Ah putain. Mais Hobbit et Image, ce serait un très bon truc. Donc oui, Émile et Image, hein, bien sûr. Tu réponds, tu donnes à qui du coup? Je suis fatigué. Je donne à Alexis pour mettre un peu de piment. Ah, ouais. Ça fait 4-2. Discrimination positive. Quand elles sont automatiques. Pourtant, et sur Windows, elle casse les couilles parce que le PC s'éteint tout seul. Les mages à jour. Ah merde. Bah ouais, les mages. Ah, ouais, les mages quoi. Voilà. Ah, ça fait 4-3. Blague informatique. On est parti très loin. Qu'est-ce que fait Hobbit avec sa femme? Il l'obèse. Bah oui, mais ça marche pas. Bah, il l'obit, je sais pas. Il la pensée ville, comté.